Bonjour à tous. En 1969, Stanley Cavell fait paraître son premier livre aux États-Unis, Dire et vouloir dire. Ce livre signe l'irruption sur la scène philosophique américaine d'une voix nouvelle, d'une voix qui clame haut et fort que le langage n'est pas ce que nous croyons et que la tâche de la philosophie est de nous ramener à nous-mêmes. Une voix qui sort de l'ordinaire mais qui se donne pour but de nous y reconduire. Une voix singulière, inoubliable, l'équivalent la même année, en 69, de Janis Joplin qui invite le public de Woodstock à donner de la voix. Quoi ? You know she told you, all I know she told you that she loved you much, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. Bonjour Sandra Logier. Bonjour. Ça donne l'énergie pour la journée, oui. Non oui, cette voix. Vous êtes professeure et directrice du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne. Vous connaissez Stanley Cavell sur tous les plans. Vous étiez très proche de lui. Je rappelle qu'il nous a quittés avant l'été et que cette semaine lui est dédiée et que le pari est qu'au terme de cette série d'émissions, tous les auditeurs connaissent la pensée de Stanley Cavell et ont envie de s'y intéresser, le lisent. Grâce à vous qu'il avait en partie traduit, ses ouvrages sont accessibles en français. Alors on va essayer de le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Les premiers écrits de Cavell, c'est un peu l'équivalent du Woodstock en philosophie, non ? Oui, c'est vraiment une philosophie qui a voulu faire entendre la voix humaine en philosophie, ce retour de la voix. Et c'est magnifique de commencer avec cette voix de Janis Joplin, puisque je crois qu'elle nous rappelle que le langage, c'est quelque chose qui n'est pas seulement un vocabulaire, un ensemble de règles ou une capacité cognitive, mais c'est vraiment une voix, c'est-à-dire quelque chose qui est dit dans une vie humaine par un être humain, et dans une voix qui lui est propre et qui est liée à son souffle humain, donc qui est aussi une forme de vie, de vitalité. Et qui s'arrêtera un jour. Donc ce lien à la voix, il est essentiel et c'est aussi une façon de dire que la voix, dire je, s'exprimer soi-même, c'est aussi parler pour d'autres, hein, parler pour tous, comme le fait Janis Joplin là. Donc parler pour un nous collectif, hein. Donc c'est la voix, mais c'est aussi le claim. Un terme central chez Cavell, la revendication dans la voix même. Donc c'est vraiment la voix humaine qui est peut-être le cœur, la première découverte de Stanley Cavell dans ses premiers ouvrages. Voilà, d'ailleurs son quatrième ouvrage, The Claim of Reason, est traduit en français par La Voix de la Raison. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant Stanley Cavell, l'importance même de la voix n'avait jamais été pensée en philosophie ? Alors la voix humaine a toujours été un thème, hein, bien sûr, hein, pour la philosophie et l'expression singulière dans le langage, bien entendu. Mais Stanley Cavell est le premier à avoir pensé cette voix humaine en lien avec le concept de l'ordinaire. Qu'est-ce que c'est en fait que le langage ordinaire et en quoi il y a ce lien entre la voix humaine et le monde ordinaire. Et donc, de ce point de vue-là, il se distingue à la fois de formes de philosophie plus traditionnelles qui ont pensé, bien sûr, hein, l'humain, le langage, puisqu'il va vraiment penser cette voix comme étant au cœur, en fait, de ce rapport que l'on a à la vie et au monde, donc cette dimension immédiatement réaliste, on va dire, du langage. Et puis il va se distinguer. Et c'est ça la rupture, la première rupture vraiment qu'il opère avec Hadi Revoulardi. Hein, donc, dans les années 60, il va aussi se distinguer dans le cœur donc de la philosophie analytique, en discutant des auteurs qui sont fondamentaux pour lui, mais qui étaient aussi des auteurs tout à fait centraux pour la philosophie analytique, donc dans la seconde moitié du XXe siècle. Austin et Wittgenstein, c'est vraiment son point de départ, c'est cette philosophie du langage qui s'attache aux usages ordinaires et qui va essayer de trouver dans la description des usages ordinaires une nouvelle découverte ou un nouvel accès à la réalité. On va essayer de comprendre ensemble ce que signifie l'ordinaire et pourquoi Cavell nous dit que notre tâche est d'essayer de reconquérir cet ordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'il a été perdu et comment le langage peut nous y aider? Voilà les étapes que nous allons suivre au cours de cette discussion, Sandra Logier. Puisqu'on parle de voix, voici la voix de Stanley Cavell. Dans voix, il y a aussi tonalité. L'importance du ton et de la tonalité pour Cavell est primordiale. Il y a aussi mélodie, rythme, bref, il y a musique. Music. Je me suis né dans une famille musicale, musicienne, et une famille d'immigrés. And those things, both affected et ce sont là deux facteurs qui ont une incidence sur ma vie tout entière. To hear music, entendre de la musique et de connaître précisément la musique, de reconnaître le fait que la musique est à la fois une affaire très privée, mais également quelque chose de public. Cela m'a aidé à me faire une image, une projection de la manière dont on doit se comporter dans le monde. Il existe un monde privé, un monde public, et les deux doivent continuellement être en communication, doivent continuellement dialoguer. Ça, je l'ai compris avant même de savoir marcher. Il s'en est fallu de peu, Sandra Logier, pour que Cavell n'embrasse une carrière de musicien avant de devenir philosophe. Et c'est loin d'être anodin pour son travail. C'est en effet très important. Et on oublie que Cavell, même s'il a une œuvre immense, a commencé la philosophie assez tard. Enfin, assez tard par rapport à beaucoup de philosophes. Hein, donc, finalement, pratiquement à près de 40 ans. Et en effet, auparavant, il avait d'abord joué dans des orchestres de jazz et puis commencé des études de composition musicale à la Juilliard School à New York. Et tout d'un coup, c'est vraiment la culture, la philosophie qui l'ont pris, hein, en quelque sorte. Et c'est là qu'il a commencé à écrire ses premiers textes, hein, donc vers la fin des années 50. Mais c'est toujours en lien avec cette musicalité, puisqu'il y a toujours chez lui, et c'est vrai que le fait d'entendre sa voix, là, lui, quelque chose de très émouvant, hein, parce que c'est une personnalité qui est tellement liée à sa propre voix et à sa façon d'être vivant que sa perte a quelque chose de particulier. Mais il a toujours voulu d'abord lui-même trouver le ton juste en philosophie, hein, et c'est ça, une sorte de justesse musicale qui est vraiment très différente de la vérité telle que parfois elle est définie comme correspondance ou en termes métaphysiques par d'autres philosophes. Et il a toujours voulu aussi essayer de comprendre comment, en fait, on pouvait arriver à cette justesse de la voix. C'est ça, en fait, la recherche, la tonalité de la philosophie, c'est vraiment arriver à trouver sa voix. À trouver sa voix, alors à la fois de façon singulière, puis de façon collective, arriver à parler à la fois avec cette fragilité, hein, de la voix qui n'a pas d'autre chose, finalement, pour se fonder que soi-même, et cet accord avec les autres, mais qu'on ne peut que supposer. Et puis, c'est également cette capacité à donner de la voix, à parler pour d'autres. Quand on lui faisait remarquer que le caractère étrange qu'il y avait à quitter la musique pour devenir philosophe, il disait mais non, mais c'est l'inverse qui serait étrange en fait. Pourquoi est-ce que tous les philosophes eux-mêmes ne deviennent pas musiciens? C'est la même affaire. Oui, il continue à jouer de la musique, à écouter beaucoup de musique jusqu'à la fin de sa vie. Alors on va entendre la musicalité, non pas de son texte de sa langue, on l'écoutera juste après, mais de celle d'un philosophe qu'il a beaucoup lu, qui était peut-être connu à l'époque et qui l'est moins aujourd'hui, il s'agit de Austin, le philosophe Austin, chez qui Cavell a découvert l'importance de ce langage ordinaire, écouter le texte, et écouter comment Austin lui-même cherche une formule adaptée pour caractériser ce qu'on appelle le langage ordinaire. Il nous dit « oui, mais ce terme, cette expression de langage ordinaire est un slogan, il faut lui substituer d'autres termes qu'il va chercher. » Écoutez ce texte. Étant donné la prédominance du slogan « langage ordinaire » et d'expressions comme « philosophie linguistique » ou « analytique » ou encore « l'analyse du langage », il faut insister sur une chose pour éviter les malentendus. Quand nous examinons ce que nous dirions quand, c'est-à-dire quels mots employer dans quelle situation, nous ne regardons pas seulement les mots ou les significations, quelles qu'elles soient, mais également les réalités dont nous parlons avec les mots. Nous nous servons de la conscience affinée que nous avons des mots pour affiner notre perception, qui n'est toutefois pas l'arbitre ultime, des phénomènes. C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux utiliser, pour cette façon de philosopher, un nom moins trompeur que ceux mentionnés plus haut. Par exemple, phénoménologie linguistique. Mais quel nom que celui-ci! Stanley Cavell nous rend-il meilleur? C'est la question que nous nous poserons cette semaine, chaque jour, en compagnie de spécialistes de la pensée de Stanley Cavell. Aujourd'hui, c'est Sandra Logier qui est au micro des Chemins de la philosophie sur France Culture pour nous en parler. On s'interroge sur la signification du langage ordinaire. Et quand Austin le fait, dans le texte qu'on a entendu, lu par Vincent Schmitt, il reconnaît l'imperfection de ce qu'il appelle ce slogan de langage ordinaire. Simplement, quand il trouve quelque chose, une expression adéquate pour le substituer, il parle de phénoménologie linguistique. Là, c'est complètement barbare. On comprend encore moins, Sandra Logier. Oui, c'est en tout cas surprenant et à la fois ironique, mais révélateur de la part d'Austin, puisque bien sûr, il n'avait peut-être pas beaucoup de proximité avec la phénoménologie elle-même, comme philosophie, même si... il la connaissait, mais il a besoin d'employer ce mot pour montrer, en fait, la puissance du langage ordinaire, c'est-à-dire sa capacité à entrer dans le grain fin des choses, à décrire vraiment la réalité par les petites différences qui s'organisent entre les expressions, entre les mots, et que le philosophe du langage ordinaire peut repérer de façon à accéder finalement à une meilleure vision, donc, plus précise de la réalité. Qu'est-ce que c'est le langage ordinaire? Quel type de langage n'est pas ordinaire? Alors le langage ordinaire, c'est le langage en tant qu'il est dit dans les conversations tous les jours. C'est cela que Austin et que Wittgenstein ont voulu prendre pour objet de leur philosophie. Et donc, et pas seulement comme objet, puisqu'ils ont voulu être portés par ces usages qui sont les usages communs de tous les jours. Donc, il y a quand même toujours une opposition entre le langage ordinaire et le langage plus théorique philosophique, par exemple. Donc, c'est le langage ordinaire, ce serait le bavardage que décrit Heidegger? C'est le bonjour, ça va, comment étaient tes vacances? Ça, c'est le langage ordinaire? Alors, ça fait partie du langage ordinaire, mais ça n'est pas... du bavardage au sens un peu, comment dire, méprisant, qui est celui auquel vous faites allusion, puisque c'est le langage en tant qu'il fait partie de la vie et qu'il est vraiment structurellement dans les échanges entre les humains. Et donc, il y a cette définition du langage ordinaire, déjà en tant que langage, comme dit Wittgenstein, véhiculaire, qui sert un peu à communiquer, à échanger. Et puis, il y a cette capacité du langage ordinaire à approcher la réalité. Et Stanley Cavell dit cela très bien à un moment dans Dire et vouloir dire. Il va dire finalement la philosophie du langage ordinaire, elle ne concerne pas seulement entre guillemets seulement le langage, puisque c'est déjà énorme, mais elle concerne en fait tout ce dont le langage parle, tout ce dont il est question dans le langage ordinaire. Et dans ce langage ordinaire, il y a tout ce qui concerne le monde ordinaire, ça veut dire, par exemple, les questions d'organisation quotidienne dans la vie, ça concerne l'amour, le pouvoir, toutes sortes de questions qui ne sont pas tout le langage. Il y a une partie du langage qui est scientifique et technique et qui n'est pas ordinaire. Il n'est pas du tout question, pour Stanley Cavell, comme pour Austin, comme pour Wittgenstein, de dire que tout le langage doit être considéré comme ordinaire. C'est vraiment le langage en tant qu'il fait partie de notre vie quotidienne de tous les jours. Est-ce une manière de revendiquer une certaine conception de la philosophie qui s'oppose à l'histoire de la philosophie, qui a pensé que pour être philosophique, il fallait s'élever à des sphères plus théoriques, plus réflexives, alors qu'en brandissant le langage ordinaire comme lieu d'investigation, c'est une manière de ramener la philosophie à quelque chose peut-être de terre à terre et qui nous concerne directement. Alors je crois que c'est cela, la différence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, entre effectivement une forme de philosophie donc plus, disons, majestueuse, qu'une majuscule, et traditionnelle, donc, et la philosophie du langage ordinaire, puisque la philosophie a quand même souvent, même si c'est pas universel, mais elle a souvent voulu se détacher des réalités ordinaires, du langage ordinaire, pour parvenir à une sorte de niveau plus théorique, comme s'il fallait se dégager de la vie ordinaire. Ce que veulent faire donc ces pensées de l'ordinaire, c'est vraiment au contraire ramener, alors c'est une expression de Wittgenstein, ramener le langage chez lui, à la maison, le ramener sur terre faire une philosophie qui soit en effet beaucoup plus proche de ce que c'est que notre rapport personnel et collectif à la vie humaine. Et je crois que ça, c'est une vraie révolution que tente Stanley Cavell. Le projet est absolument séduisant. Et pourtant, quand on lit Cavell, Wittgenstein, Austin, c'est quand même une langue qui est difficile. Il y a une approche clairement et assumée d'ailleurs, théorique. Il est difficile de voir ce qui les distingue vraiment dans leur manière de procéder des autres philosophes. Alors, il faut quand même le dire, quand on veut lire du Cavell, parfois c'est déconcertant parce que c'est pas toujours facile. Alors bien sûr, de toute façon, la vraie philosophie, ça n'est jamais facile. Je crois que c'est une des choses quand même que dit Cavell, y compris la philosophie sur des sujets qu'on considère parfois comme faciles, comme le cinéma populaire, les séries télévisées, qui sont des sujets très très cavelliens. Eh bien, c'est une philosophie qui est évidemment difficile, puisque à chaque fois, il faut arriver aussi à trouver sa voie et à penser quelque chose qui n'a pas été pensé. Et l'ordinaire, c'est effectivement, au moment où Cavell commence, un objet qui n'a jamais été pensé en philosophie, mis à part chez Wittgenstein et Austin. Et ils y parviennent à partir de cette notion même du langage ordinaire. On va entendre la voix de Cavell qui rend hommage à Austin, chez qui il a découvert finalement une certaine manière de faire de la philosophie. Et puis ensuite un texte de Cavell, un extrait de Dire et vouloir dire, donc son premier ouvrage en 69, qui remonte à l'origine même de la philosophie et montre que son analyse du langage ordinaire s'applique aussi au dialogue socratique. Écoutez. My first question, probably, the honest answer is, ma première question, probablement, serait qu'est-ce que la philosophie? What possibility is there for philosophy? Quelles sont ses possibilités Now, actuelles? I read seemed to me, tout ce que well, j'ai lu okay, semble être un peu abstrait, semble surtout répéter des réponses que nous avons déjà entendues des centaines de fois. J'en suis donc venu à penser que, décidément, tout semblait mort. And then, I met Austin, puis j'ai rencontré le philosophe Austin. Something is alive. Et j'ai pensé, mais non, But quelque chose est bien vivant. Philosophy? Mais est-ce de la philosophie? It fantastically interesting. Cela semblait très intéressant d'un point de vue linguistique, littéraire ou psychologique. J'avais l'impression d'apprendre une foule de choses. Il ne me semblait pas encore trouver des réponses aux questions philosophiques. C'est du moins ce que je voyais. Alors j'en ai éprouvé une certaine insatisfaction parce que je ne pouvais pas reproduire l'histoire de la philosophie dans les travaux d'Austin. On ne sait pas bien en quoi consisterait pour moi l'activité de trouver ce que je veux dire par un mot. Mais il existe évidemment une activité qui consiste à trouver ce que veut dire un mot. Vous le faites en consultant un dictionnaire ou un locuteur dont c'est la langue maternelle et qui se trouve être au courant. Il existe aussi quelque chose que nous pouvons appeler ce que veut vraiment dire un mot. Vous le faites quand vous savez déjà ce que le dictionnaire peut vous apprendre, quand, pour une raison pour une autre, vous vous voyez forcé de philosopher. Vous commencez alors par vous remettre en mémoire les diverses choses que nous dirions si telle et telle chose était le cas. Socrate parvient à ce que ses antagonistes retirent leur définition, non pas parce qu'ils ne savent pas ce que leurs mots veulent dire, mais parce qu'ils savent ce qu'ils veulent dire, et qu'ils savent donc que Socrate les a menés à un paradoxe. Ce dont ils ne s'étaient pas rendu compte, c'est de ce qu'ils étaient en train de dire, ou de ce qu'ils étaient vraiment en train de dire, et ainsi n'avaient pas su ce qu'ils voulaient dire. En ce sens, ils ne s'étaient pas connus eux-mêmes, et n'avaient pas connu le monde. Je veux dire, bien sûr, le monde ordinaire. Comment la voix vient au langage et comment atteint-on cet ordinaire dont nous ignorions qu'il était perdu? Tel est l'enjeu de cette émission sur Stanley Cavell aujourd'hui sur les chemins de la philosophie France Culture. Alors, Sandra Laugier, nous sommes ici au cœur de la pensée du langage ordinaire de Stanley Cavell, avec cette distinction qu'on va essayer d'élucider ensemble, car elle est dite très clairement, mais elle n'est pas forcément intuitive à comprendre. Quelle est la différence entre, que fait Cavell dans ce texte, entre être en train de dire quelque chose et être vraiment en train de dire quelque chose? Alors, c'est vrai que la question de savoir ce que c'est même que dire quelque chose, et que dire quelque chose, c'est avec sa propre voix et en voulant dire. Alors, c'est évidemment les mystères de la traduction aussi, hein, que j'ai toujours affronté avec Stanley Cavell, puisque c'est le mot meaning, et dire et vouloir dire, c'est la traduction d'un titre qui est « Must we mean what we say ?» Devons-nous vouloir dire ce que nous disons, ou devons-nous signifier? Puisque « meaning », c'est aussi un mot en anglais qui veut dire à la fois vouloir dire quelque chose, mais c'est aussi, bien sûr, la signification en tant qu'entité et en tant que sujet très central de la philosophie analytique, hein, comme propriété des énoncés, est-ce qu'il y en a qui ont un sens, est-ce qu'il y en a donc qui n'en ont pas, comment on les distingue, est-ce qu'il y a différents types de sens. Ça, c'est vraiment une forme de scolastique qui s'est beaucoup développée, hein, jusqu'à aujourd'hui autour de Wittgenstein. Et Cavell, finalement, pose la question tout autrement. Et va dire la question de la signification, donc du meaning, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que mean pour un humain, qu'est-ce que c'est que vouloir dire ou signifier ce qu'il dit. Et donc, pour signifier ce qu'on dit, il faut justement avoir cette pertinence. Alors, j'emploie un mot qui a été aussi pas mal réutilisé dans d'autres domaines de la philosophie du langage, mais que Stanley Cavell vraiment a traité, redéfini dans « dire et vouloir dire hein, », c'est-à-dire finalement cette justesse aussi par rapport à soi-même. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cette expression juste, cette justesse donc des mots et des expressions qui fait qu'à la fois on va avoir cette adéquation à soi et à ce dont on parle. Et donc comment est-ce qu'on peut faire coïncider en fait ces deux types de justesse et de vérité, puisqu'au final, hein, comme le disait aussi Austin dans le passage qu'on a cité, il s'agit du sens, là aussi, tout à fait classique de la vérité, hein, vraiment arriver à dire les choses telles qu'elles sont. Simplement, ça demande quelque chose de beaucoup plus, hein, de beaucoup plus fort, hein, et de beaucoup plus attentif et précis que une simple correspondance à établir avec des éléments de réalité. Vous avez prononcé le terme clé, celui d'adéquation. Ouais. En fait, l'enjeu, c'est l'accord entre, on peut le dire ainsi, entre l'intention mon intention et le langage. Mon intention qui est privée, qui m'appartient, dont je ne suis pas toujours au courant, d'ailleurs que je n'arrive pas forcément à élucider. Et le langage qui appartient à tous, qui me préexiste. Comment dire ce que je voudrais dire avec des mots qui ne sont pas moi? Quand on plonge dans ce problème, c'est littéralement abyssal et vertigineux. Alors je crois qu'il y a là, en effet, vous le dites très bien, hein, quelque chose qui est extrêmement profond dans cette idée. Alors, d'intention, hein, c'est vrai, mais c'est un terme que Cavell essaye constamment dans Must Women What We Say, dans Dire et Vouloir Dire, et avec cette idée de meaning, de vouloir dire, de repenser. D'ailleurs, souvent, le mot vouloir dire est aussi une façon de traduire la question de l'intention. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vraiment une façon de retraduire cette question et de se demander, en effet, d'abord, comment est-ce qu'on peut avoir cette compétence pour dire quoi que ce soit? C'est ça aussi la question de Cavell. Et c'est vrai, c'est une question finalement de pouvoir aussi, d'un pouvoir qui est donné à l'individu, cette capacité que l'on a à pouvoir décider aussi soi-même de la justesse de ce qu'on dit, arriver à utiliser en effet des mots déjà existants qui sont établis, hein, puisqu'on est NAIT dans le langage, dans un langage qui existe déjà. Vous le disiez, et c'est aussi le début des recherches philosophiques de Wittgenstein, lorsque il présente une citation de saint Augustin qui décrit l'enfant au milieu des adultes, qui essaye de comprendre ce qu'ils disent et de reproduire leurs paroles dans les bonnes circonstances. Et donc, ce passage-là, il dit à la fois qu'on arrive toujours... dans un monde où il y a des mots, un langage, hein, ben, par exemple, il commence par des mots de quelqu'un d'autre, hein, d'Augustin, qu'on apprend en fait tout le langage d'autres personnes. Hein, il est hérité, il vient des parents, et donc, ou d'autres, hein, des adultes. Et donc la question est de savoir comment je peux, moi, arriver à trouver une voix individuelle dans cette masse, dans ce langage hérité. Et comment donc je peux faire mien donc ce langage qui est constitué de mots qui ne sont pas moi. Et en effet, il y a ce sentiment d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, pour prendre un terme que Cavell affectionne, hein, puisqu'il a aussi toute cette lignée freudienne chez lui. Donc cette inquiétante étrangeté que l'on a par rapport à sa propre parole, à sa propre capacité. Et en même temps, il y a cette mise en valeur, on pourrait dire empowerment aujourd'hui, même si Cavell n'utilise pas trop ce vocabulaire, donc du locuteur, hein, qui est en effet capable de prendre ce langage et de l'utiliser pour lui ou elle. Pour comprendre cet enjeu-là qui est à la fois théorique, philosophique et existentiel, et j'emploie le mot à dessein, on peut se référer à notre propre expérience. Il arrive régulièrement que l'on cherche des mots pour dire ce que nous voulons dire et que nous ayons le sentiment que ces mots ne sont pas absolument adéquats et qu'il y a comme un reste que le langage ne peut pas dire et qui pourtant cherche à s'exprimer. On peut se tourner vers d'autres modes d'expression, que sont le dessin, la musique ou encore autre chose. Mais c'est ce léger décalage entre soi et le langage est quelque chose qui est absolument fécond pour la pensée, absolument tragique souvent pour l'individu. L'assemblage des deux est ce que Cavell nomme le scepticisme. Sandra Logier. Alors, de fait, cette expérience de ne pas trouver ses mots ou avoir un mot sur le bout de la langue, comme on dit en français, c'est quelque chose qui intéresse constamment Wittgenstein dans les recherches philosophiques. Hein, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il y aurait une bonne façon de dire les choses et qu'on ne la trouve pas. Hein, donc, cette fameuse justesse, comme si cette expression, elle était déjà là, présente et qu'il ne suffisait finalement que de chercher pour l'atteindre. Et je crois que là, on touche vraiment au cœur de cette philosophie du langage, puisque de fait, cette incapacité que l'on sent très constamment, hein, et je crois que la voix, le type d'expression individuelle que l'on a, y compris dans des circonstances comme comme les nôtres, hein, comme à la radio. C'est vrai que c'est passionnant, puisque on a à la fois cette recherche de justesse et cette fragilité de la voix même qui n'atteint pas, qui est toujours un peu en deçà de ce qu'elle voudrait exprimer, alors que, de toute façon, l'expression en parfaite, c'est quelque chose que Thoreau, on en reparlera sûrement, donc, dit aussi. Finalement, on est toujours dans cette impossibilité d'atteindre une expression parfaitement transparente. Et donc, reconnaître, en fait, cette essence du langage, c'est aussi reconnaître cette dimension sceptique qu'il y a dans l'expression elle-même. Alors, fait, qu'est-ce que ça veut dire, dimension sceptique ? Alors, ce scepticisme, c'est quelque chose qui, là aussi, est vraiment un des éléments fondamentaux, des grands fondamentaux de la pensée de Stanley Cavell, comme cette question de la voix ou celle de l'ordinaire. Hein. C'est vrai que les deux combinés ensemble, vous avez le scepticisme, c'est-à-dire cet éloignement du monde, hein, le fait que la voix ne peut pas en fait se saisir du monde et qu'elle a toujours cette sorte de d'éloignement de la réalité et cette dimension aseptique, elle est précisément ce que le langage ordinaire, l'usage du langage, hein, la pratique langagière essaye de constamment réduire. Et la force de la pensée de Stanley Cavell, mais c'est aussi ce qui en fait la difficulté, puisque cette question du scepticisme, elle a souvent été utilisée pour faire de Stanley Cavell une forme de relativiste, quelqu'un qui dirait que finalement on connaît pas le monde, nos mots ils veulent rien dire, etc. Alors que c'est tout le contraire, hein. C'est-à-dire que pour Stanley Cavell, donc le scepticisme philosophique, hein, qu'on retrouve à toutes sortes d'époques. Hein. Donc, c'est vraiment le grand parcours dans les voies de la raison. Et c'est aussi pour ça qu'il a voulu, lui, comme il le disait dans le passage qu'on entendait tout à l'heure, donner une sorte de profondeur historique à la philosophie du langage ordinaire d'Austin. Donc, cette dimension philosophique fondamentale qui est le scepticisme, qui est donc l'affirmation d'une sorte de distance avec le monde, le fait qu'on ne peut jamais arriver vraiment à connaître la réalité, hein, qu'il y a toujours... Ce que disent même les présocratiques, hein, Héraclite, voilà, ne dit pas autre chose. Hein. Voilà, c'est vraiment une dimension très fondamentale de la philosophie. Stanley Cavell, à la fois, en reconnaît l'importance et la force. Hein, il va dire qu'il y a une vérité du scepticisme, hein, c'est la thèse des voies de la raison, mais il va dire que cette question du scepticisme, elle n'est pas seulement une question de connaissance, hein, d'accès à un monde réel, mais elle est justement une question aussi de langage, d'expression, et elle est aussi la question de savoir comment, en fait, on peut accéder à autrui ou accéder à la réalité du monde en tant qu'il est résumé dans la relation à autrui. Donc ça veut dire que le scepticisme n'est pas le relativisme ? Alors le scepticisme n'est pas le relativisme, bien sûr, puisque le scepticisme, c'est vraiment mettre en cause donc cette capacité que l'on a à connaître le monde, mais c'est aussi la surmonter, en fait. C'est aussi constamment arriver à trouver des moyens de dépasser ce scepticisme. Et mais pour Cavell, le moyen de dépasser le scepticisme, ça n'est pas du tout d'y répondre par une nouvelle connaissance, hein, de dire ben non, en fait, il y a des trucs, je sais, on est vraiment certain, ou alors bon, il y a des dimensions transcendantales qui nous permettent de répondre à ça, donc de dire qu'on sait quelque chose. Pour lui, c'est vraiment quelque chose qui, au contraire, aggrave le scepticisme. Et donc, sa méthode va être de reconnaître en fait la force du scepticisme, mais de considérer que le scepticisme qui porte sur la connaissance humaine, hein, notre capacité à connaître vraiment le monde, hein, qui effectivement on peut très bien du coup dériver soit vers le relativisme, soit vers des formes de réalisme pur et dur, hein, telles qu'elles se sont développées à l'époque contemporaine. Et donc, sa thèse dans Les Voies de la raison, et je reconnais qu'elle n'est pas toujours facile, hein, c'est de considérer que ce scepticisme en matière de connaissance est en réalité une sorte de masque pour un scepticisme plus fondamental qui est notre difficulté à entrer en relation et en conversation avec autrui. Ce qu'il appelle le scepticisme vécu. Le scepticisme vécu, exactement, ou ce qu'on appelle traditionnellement le scepticisme par rapport aux autres, hein, ou à autrui, ou aux autres esprits, comme on dit en anglais. Donc c'est pas juste douter comme un doute méthodique à la manière de Descartes, mais c'est douter de l'existence même des autres, du lien qui me lie à autrui. C'est là où on est en pleine tragédie, hein. Shakespeare se nourrit de ce scepticisme. Et Shakespeare se nourrit de ce scepticisme, et Shakespeare nourrit aussi toute la pensée de Stanley Cavell, puisqu'il va prendre comme exemple, illustration de cette dualité du scepticisme, donc Othello, hein, donc, dont le héros à la fois pose constamment des questions sceptiques ou relativistes. Est-ce que vraiment je peux trouver une preuve de la fidélité de ma femme? Est-ce qu'il y a une réalité? Et qui, en réalité, questions qui sont finalement l'expression ou le masque, cover, Cavell appelle ça cover, une sorte de recouvrement d'une question plus fondamentale qui est son incapacité à lui, Othello, à entrer en relation avec cette femme et à la reconnaître en fait comme être humain, comme lui, et à se reconnaître lui-même comme être humain. Se reconnaître, hein, le terme est important. Donc en fait, la trajectoire, c'est de partir de ce décalage entre soi et le langage et soi et le monde, soi et les autres, qui va produire le scepticisme, constater que ce qu'on appelle le langage ordinaire nous permet de réduire ce décalage. Et enfin, la tâche du philosophe, dit Stanley Cavell, c'est de nous ramener à nous-mêmes. Vous dites, il ne nous laisse pas en plan, c'est pour ça que c'est pas du relativisme. Ouais. En même temps, il ne propose pas non plus de solution. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut reconnaître que nous ne saurons jamais. C'est à la fois réconfortant et en même temps assez implacable. Alors, je crois pas qu'il s'agit de ne jamais savoir. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à accomplir dans le fait de reconnaître son ignorance. Et je crois que ça, c'est un point très fondamental qui est Socrate, hein, affirmé. Voilà, et c'est ce que Cavell reprend très, très explicitement à Socrate et dirait vouloir dire, en fait. C'est dans la préface. Et c'est de dire que l'essentiel, bon, comme dit Socrate, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas, mais, ajoute Cavell, vouloir savoir. Vouloir savoir, c'est cela en fait. Est-ce que c'est pas vain de vouloir savoir si en fait on ne sait pas? Eh bien, on ne pourra jamais savoir. Justement, non, c'est toute la question de la philosophie et aussi du perfectionnisme pour Stanley Cavell. C'est vouloir savoir, vouloir devenir meilleur, se transformer soi-même, essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas, c'est cela en fait, l'essence de la philosophie. C'est à la fois être perdu et être capable de se retrouver, mais se rendre compte qu'on a en soi-même les forces, la pertinence pour se trouver. Et donc, c'est vraiment, lire Cavell, c'est une révélation, un peu comme pour lui l'était la découverte d'Austin, lorsque Cavell dit finalement, la question n'était plus la pertinence de la philosophie pour moi, qui est quand même la question qu'on a toujours, mais c'était plutôt ma pertinence pour la philosophie. Donc c'est l'introduction de la psychologie en philosophie ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse interpréter cela ainsi. Hein. Je crois que c'est pour ça que j'emploie ce terme de pertinence, qui est un terme vraiment aussi, disons, objectif et langagier. Et ce que veut dire Austin dans son analyse du langage, justement, lorsqu'il parle de cette espèce d'ajustement du langage à la réalité, c'est une forme de pertinence qui n'a rien à voir avec la psychologie. C'est même quelque chose que lui trouvait absolument répugnant. Donc, introduire de la psychologie dans ces questions. Mais il y a du moi, pourtant. Il y a le jeu. Dans ces questions-là. Ouais. Ensuite, Stanley Cavell n'est pas aussi, évidemment, opposé à l'intervention du jeu et de la subjectivité que les Austin, bien entendu. Mais je crois qu'une des forces aussi, et c'est pour ça que dirait vouloir dire un ouvrage si fondamentale. Hein. C'est vraiment le premier, parce que c'est aussi dans Dire et vouloir dire que Stanley Cavell, et ça c'est dans le chapitre sur Wittgenstein, hein, sur... Donc la pertinence, hein, donc l'availabilité, hein, c'est-à-dire la question de savoir si Wittgenstein est vraiment à notre portée. Ce qui est amusant comme thématique, comme entrée, première entrée en scène de Cavell sur Wittgenstein. Et c'est vraiment aussi l'idée que il s'agit pas seulement donc de dépsychologiser la logique ou le langage comme on voulu le faire les grands penseurs de la tradition analytique, hein, et je crois qu'un penseur comme Frege, même s'il peut paraître éloigné de toute cette tradition dont on parle aujourd'hui, n'est pas si éloigné que cela. Ce Frege avait voulu aussi, d'une certaine façon, dépsychologiser la pensée, le langage, la logique elle-même. Et Stanley Cavell dit finalement, il faudrait arriver à dépsychologiser la psychologie elle-même. Et donc, c'est cette psychologie, certes, mais dépsychologiser, débarrasser finalement de toutes les mythologies de l'esprit et de la psychologie que Wittgenstein et Austin nous apprennent à comprendre. Et c'est ça, en fait, la tâche aussi que se donne Cavell dans sa conception du scepticisme. Il puise cette conception aussi chez des auteurs américains qu'il a contribué à faire connaître, à faire introduire à l'université américaine, que sont Emerson et Thoreau. Thoreau, qui est l'auteur de Walden, dont on parle plus en ce moment, il est beaucoup lu notamment dans les milieux écologistes. Le maître de Thoreau, s'appelle Ralph Waldo Emerson. Cavell le connaît très bien, on verra au cours de cette semaine comment il a puisé chez Emerson aussi toute une inspiration du cinéma hollywoodien des années 40 avec les comédies de remariage. Écoutez-le parler de cette influence qu'ont eu Emerson et Thoreau pour lui, notamment pour penser le passage entre ce qu'il appelle le monde naturel et le monde social, comment le jeu peut dire nous, comment nous, individus, pouvons connaître les autres et vivre avec les autres. Emerson et Thoreau, qui sont importants pour moi, parlent d'une deuxième naissance. On est, on apprend à parler, on apprend l'amour, on apprend la déception, on apprend toutes sortes de choses, toutes les choses que l'on peut nommer. Et ensuite, on se rend compte qu'il faut écraser tout ça, parce que le monde vous l'enseigne, parce que le monde vous enseigne qu'il faut laisser tout cela de côté, qu'il faut... Et c'est là que vous vous rendez compte qu'il existe un monde naturel et un monde social, un monde biologique et un monde politique. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de cette compréhension ? Comment est-ce que l'on gère une conversation, un dialogue entre ces deux éléments pour le reste de la vie ? Et oui, Stanley Cavell est aussi un penseur politique, Sandra Logier, même si l'articulation entre ce qu'on vient de dire, l'importance du langage ordinaire, du scepticisme et du perfectionnisme, avec l'univers de la politique et même de la réflexion démocratique ne paraît pas évident. C'est notamment avec Emerson et surtout Thoreau que celui-ci fait le lien entre ses réflexions philosophiques et la réflexion proprement politique. C'est ce qu'il appelle le passage du monde naturel au monde social, Sandra Logier. Bien sûr, il y a cette dimension-là et elle n'est pas du tout étrangère aux préoccupations de Dire et vouloir dire, même s'il n'est jamais question de politique dans cet ouvrage. Hein. C'est un ouvrage que Cavell a publié en 69. En 72, il publie L'essence de Walden, hein, donc sur Thoreau. En 71... donc la projection du monde, hein, dont on parlera jeudi prochain. Ouais. Donc vous voyez, c'était cette espèce de conjugaison absolument exceptionnelle de sujets qu'il ouvre, et tout cela en fait dans une période où il était extrêmement engagé aussi politiquement auprès de ses étudiants à Harvard, donc dans la lutte pour les droits civiques, hein, et donc je crois que tout cela en fait fait vraiment partie d'une réflexion politique et de la mise en place de la capacité politique à avoir une voix. Et non seulement Thoreau, bien sûr, mais Emerson aussi et son maître sont constamment en train de penser cette question de la justesse de la voix en termes politiques. Et donc, oui, on dit bien qu'un électeur a une voix, il donne sa voix à quelqu'un. Voilà, un électeur donne une voix, exprime une voix. Et Thoreau et Emerson sont constamment, l'un et l'autre, en train de déplorer aussi la fausseté de la tonalité politique de leur temps. Et je crois que ça, c'est un sentiment politique très, très fondamental, hein, que moi-même, je ressens beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, qui est, finalement, l'incapacité, la fausseté de ton, en fait, des politiques. Discours politique. Du discours politique. Et c'est de cela, en fait, que partent Emerson et Thoreau. Donc Emerson dans Self-Reliance, ou Thoreau lorsqu'il parle du désespoir tranquille au début de Walden, donc sont toujours en train de déplorer finalement cette incapacité des voix politiques à exprimer réellement les citoyens. Puisque vous parliez de voix et de vote, hein, donc si on donne sa voix, ça veut dire que l'on va accepter d'exprimer, hein, d'être exprimé, de retrouver sa voix dans une voie politique. Et c'est cela, finalement, la source à la fois du désespoir politique et de beaucoup de révolte aussi, hein, qui était celle de cette époque, hein, des années 60, mais que l'on va retrouver donc ensuite, hein, tout au long de l'histoire. Donc c'est cette capacité de la voix, donc politique et philosophique, à arriver à se retrouver exprimer et à se retrouver dans une forme de communauté, c'est-à-dire dans un accord. Alors là, c'est justement un thème très wittgensteinien. Le thème de l'accord, oui. Et un thème austinien aussi, qu'on va retrouver chez Cavell et dans sa pensée politique. Qu'est-ce que c'est, en fait, que donner son accord à la société? Et il va modeler cela sur le modèle de ce que Wittgenstein appelle l'accord dans le langage. Alors, pas sur le langage, hein, on ne va pas se réunir, vous et moi, et dire, bon, voilà le sens qu'on va donner à tel mot. C'est un accord qui est une sorte de concert. Hein, qui est tacite. Et qui est évidemment tacite, hein, puisqu'il n'est jamais exprimé et fait à tel ou tel un moment, hein, d'ailleurs un peu comme le contrat social. Hein, il y a tout le début des voies de la raison, c'est vraiment un parallèle entre le contrat social et l'accord dans le langage. Mais il n'est pas non plus forcément tacite, puisqu'il est exprimé à chaque instant aussi, dans le fait qu'on arrive à se comprendre, qui est justement cette harmonie quasiment musicale. Et aussi, il n'est pas tacite parce qu'il y a toutes sortes de moments où effectivement ça va dissonner et où une voix va s'exprimer pour dire « attention, je ne me reconnais pas en fait dans cette parole publique et dans cette société telle qu'elle est ». Et donc c'est vraiment intéressant de voir le lien entre cette pensée politique et la pensée du langage ordinaire, puisque elle signifie en fin de compte que même si on est dans un accord, évidemment on a hérité le langage des parents, on est des adultes disons, on est dans un monde de conversation, on a d'une certaine façon donné un accord implicite ou tacite, comme vous le disiez, et en même temps, le fait d'avoir donné cet accord est quelque chose qui peut constamment, en fait, être mise en question. Rappelons que Thoreau est l'auteur de la désobéissance civile. Voilà, et justement, cette source de la désobéissance civile, Cavell la voit dans cette possibilité, y compris, et peut-être même surtout dans un accord préexistant, de créer de la rupture et de la dissonance, de dire, ben non, ceci, tout cela, donc cette vie, ce langage, cette société, ils ne sont plus à moi. Et d'ailleurs, ils ne me considèrent même pas comme appartenant à eux. Et donc, cette possibilité constante de la rupture et de la désobéissance, elle est très, très curieusement inscrite, en fait, dans la définition même du langage ordinaire. Et dans le fait que lorsque on dit « je », eh bien, en fait, on dit aussi forcément en nous, hein, puisque finalement on va affirmer une forme d'universalité. Alors c'est pas étonnant qu'on retrouve constamment chez Cavell, hein, qui a des côtés très classiques, cette référence à la voix universelle de Kant, hein, qui est dans le jugement esthétique, puisque finalement, dans le jugement esthétique, je me considère comme capable de dire finalement, ce qui est beau ou ce qui me convient, mais qui se retrouve aussi dans le jugement politique, puisque moi seule aussi, je suis capable de dire ce qui est bon à la fois pour moi et pour nous. C'est pour ça ? Pensez-vous qu'il existe un ton juste en politique ? Alors, vous dites en ce moment, c'est flagrant, l'absence de justesse de ton, mais existe-t-il jamais en politique ce ton juste ? En tout cas, ce qui compte, c'est de vouloir l'atteindre. C'est vraiment d'essayer. C'est ce que disait Barack Obama ce week-end, en fait, au moment dans son discours au funérailles de John McCain. De John McCain, pardon. De John McCain, oui. C'est vraiment de dire, après tout, bien sûr qu'on ne peut pas être parfait, mais ce qui est important, c'est d'essayer. Et donc, chercher la tonalité juste, c'est ça, en fait, vraiment cette force aussi du langage ordinaire dans la pensée politique. Et peut-être qu'Obama y parvient, et à sa manière aussi, chanson plus bifluorée. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, il fait beau, les poissons ont l'air de rien. Font la planche sur le dos, les oiseaux restent à terre. Le ciel peut bien attendre, ils ont bien mieux à faire, cherchez pas à comprendre. C'est un jour ordinaire, d'ordinaire y'a du gasoil dans l'air et tout part en fumée. C'est un jour ordinaire, d'ordinaire dans le gasoil y'a de l'air, du ciel dans la fumée. Les cheminées des usines crachent de leurs cigares des vapeurs. Un grand merci à vous, Sandra Logier, d'être venue nous parler de Stanley Cavell aujourd'hui. Merci, Adèle. Merci de partager ça. Pour cette discussion sur son œuvre, et vraiment, on invite chacun d'entre vous, chers auditeurs, à lire Stanley Cavell. Vous pouvez lire aussi Sandra Logier, recommencer la philosophie Stanley Cavell et la philosophie en Amérique chez Vrin. Et puis, vous faites paraître un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Estelle Ferrarez, La forme de vie au pluriel, pardon, aux éditions du CNRS. On mettra les liens ainsi que les ouvrages de Stanley Cavell en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Une petite coupe de printemps à coups de bulldozer, ça leur prend moins de temps. Les taureaux caracolent dans un jack épatant avec des vaches folles et tout le tremblement. C'est un jour ordinaire. Sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'est un jour ordinaire, c'est-à-dire extraordinaire, car comme tous les jours, à partir de 10h52, vous retrouvez le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo aujourd'hui, eh bien nous restons aux États-Unis puisque vous nous parlez de la réédition d'un livre d'Alan Bloom. Et oui, la semaine dernière nous parlions ici d'amour, je le fais à mon tour avec la réédition de L'amour et l'amitié d'Alan Bloom. Alors Bloom n'est pas forcément connu de tous en France, tout comme ce livre paru en 1993 aux États-Unis, un an après sa mort. Pourtant, il faut souligner toute l'importance de ce texte pour ses réflexions sur l'amour et l'amitié, donc pour sa méthode qui est d'analyser le sentiment à travers des chefs-d'œuvre, Stendhal, Tolstoï ou Shakespeare, et pour sa relecture du philosophe romantique Rousseau, bien sûr. Ne vous impatientez pas, mademoiselle. Voici la dernière opportunité que vous recevrez de moi. Quand je commençais de vous aimer, que j'étais loin de voir tous les maux que je m'apprêtais, je ne sentis d'abord que celui d'un amour sans espoir que la raison peut vaincre à force de temps. J'en connus ensuite un plus grand dans la douleur de vous déplaire. Et maintenant j'éprouve le plus cruel de tous dans le sentiment de vos propres peines. En ouvrant le livre d'Alan Bloom, vous pouvez être surpris par le ton profondément nostalgique, pour ne pas dire passéiste, voire un peu réac, de ses propos sur l'amour. Le lien humain se serait défait, la faute à Hobbes et à sa thèse d'une nature humaine guerrière. La faute, bien sûr, à la modernité et à sa promotion d'individus rationnels et autonomes. Alors pour ceux qui connaissent déjà Alan Bloom, vous êtes sûrement déjà familier de ce ton et d'une telle position. Vous avez même peut-être déjà lu L'âme des armées, son essai sur le déclin de la culture générale, qui reparaît aussi et avait eu un grand succès à la fin des années 80 aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, d'accord ou pas avec lui, il faut reconnaître à Alan Bloom qu'il travaille deux questions passionnantes dans ce livre. D'abord, la première, l'amour et l'amitié font-ils partie de la nature humaine? Autrement dit, l'amour est-il un être profondément solitaire ou est-il naturellement lié à l'autre? Et si oui, c'est la deuxième question, s'il est naturellement lié à l'autre, peut-on et comment corriger ce manque d'amour ou d'amitié, cette entaille faite à notre nature par la modernité? S'agit-il seulement de le constater ou de le déplorer? Ou des artifices peuvent-ils nous aider à le corriger? Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle et d'un air agité débuta ainsi. En vain ai-je lutté, rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Élisabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. Mr. Darcy crut y voir un encouragement et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle. Alors commençons par la deuxième question. Peut-on et comment corriger cette défection du lien humain ou du moins sa transformation par la modernité en relation impersonnel, eh bien bonne nouvelle, oui on peut, une correction est possible, c'était même tout le sens du projet romantique initié par Rousseau et poursuivi par d'autres comme Jane Austen dont on vient d'entendre un extrait d'Orgueil et Préjugés. Entre le motif incontournable du mariage, la vertu du sentiment amoureux, la complémentarité entre soi et l'autre, les romans d'Austen nous plongent dans l'idée que dans l'amour et l'amitié, on est fait l'un pour l'autre, que quand on se regarde soi, on regarde l'autre et inversement, quand on regarde l'autre, eh bien on se regarde soi. Mais est-ce suffisant de le dire et de le signer? Un contrat de mariage met-il vraiment fin à notre solitude? Son nom est Roméo, c'est un mot aigu, le fils unique de votre vieil ennemi à tous. L'amour n'était pas né en mon cœur. Quelle naissance! J'aime le seul qui me soit commandé de haïr. Oh, cher ennemi, que j'ai aimé dans le temps qu'une étoile file. Je t'ai rencontré trop tôt. Je te connais trop tard. Par quel prodige vais-je pouvoir t'attendre, te chercher et te fuir? Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Qu'est-ce que tu dis? Aux côtés de la nouvelle Héloïse, d'Orgueil et Préjugés, mais aussi du Rouge et Noir, d'Anna Karénine, du Banquet en bouquet final, Alan Bloom fait trôner Shakespeare et Roméo et Juliette, bien sûr. Pour lui, c'est la pièce qui exprime le plus immédiatement ce qu'est l'âme humaine, c'est-à-dire une âme animée d'une puissance amoureuse telle que même l'entendement n'y comprend rien. Pour Alan Bloom, la réponse à notre première question est donc claire. La nature humaine est foncièrement amoureuse et amicale. Mais comment comprendre alors qu'une telle nature, forte d'une telle puissance des sentiments, puisse être abîmée, entamée par la raison, par l'autonomie, par l'idéal moderne? Comment comprendre, pour reprendre un lieu commun, que l'amour ne soit pas toujours le plus fort? Bien, je laisse la question en suspens, ou alors il faut lire Alan Bloom, L'amour et l'amitié. Et pour vous, Géraldine, est-ce que votre âme humaine est animée d'une puissance amoureuse telle que l'entendement n'y comprend rien? Ah oui, complètement. Ouais. C'est tout à fait moi. Ça ne m'étonne pas. Votre chronique est à réécouter en ligne. Alors donc, je rappelle, enfin, vous rappelez le titre du livre. C'est L'amour et l'amitié, tout simplement. Ouais. Ça paraît aux belles lettres dans une traduction de Pierre Manon. Et puis il y a aussi Alan Bloom, L'âme désarmée, et c'est sur le déclin de la culture générale. Merci Géraldine. Votre chronique est donc à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoie, Eva Ferenzi, Marie Simon, Anaïs Isbert, Philippe Baudouin et Milena Hellig qui est à la réalisation aujourd'hui, Jean-Guilain Meige à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. Je signale que les archives de Stanley Cavell qui ont été utilisées aujourd'hui venaient de la série d'émissions intitulée « À voix nue » diffusée en janvier 2008 et Stanley Cavell répondait au micro de Philippe Petit. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le philosophe Stanley Cavell avec joie. Et bien demain, vous découvrirez une autre facette de ce philosophe du langage ordinaire. C'est aussi celui qui a introduit à l'université et dans le département de philosophie les études cinématographiques et qui a pris pour exemple des comédies hollywoodiennes des années 40. Mais vous verrez, c'est pas ce sont les comédies de remariage ainsi que les mélodrames. Et ce sera le professeur en histoire et esthétique du cinéma Marc Cerisuello qui viendra vous en parler demain. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur Twitter, Facebook et Instagram où nous mettons quotidiennement en ligne cette émission. Sur France Culture, il est 11h. À midi, ce sera la grande table de Olivia Gesbert, mais à 11h dans un instant, c'est Culture Monde par Florian Delorme.